chaque jour ces pages déchirées. Ces trahisons à notre histoire. Moi, je ne m'y habitue pas. T'as élu ce type dans un espoir de faire reculer le fascisme social. Faut dire ce qui est, tu t'es bien fait avoir. Car c'est un autre fasciste qui a eu la balle. Ce mec a ton âge, mais c'est un roi. Il a mis sa république en bas des marches. Mais faudrait qu'il fasse gaffe à toi. Jusqu'à devenir un faune, tu tends aussi à foutre la zone. Gilet jaune, oh gilet jaune, tu peux régner le roi de son trône. Tantôt facho, tantôt coco, où tu te situes, tu sais pas trop. Tout ce que tu sais, c'est que t'en as marre de payer ta vie. Jusqu'à devenir un faune, tu tends aussi à foutre la zone. Gilet jaune, oh gilet jaune, tu veux rage-kick le roi de son trône. Tu gueules jusqu'à devenir un faune, tu tends aussi à foutre la zone. Gilet jaune, oh gilet jaune, le rage kick, le roi de son trône. Jusqu'à quand ta lutte continuera? Faudra-t-il faire abdiquer il dissoudre l'assemblée ou bien arrêter et laisser filer? Quoi qu'il en soit, ne t'arrête pas, car à Bordeaux, à Paris, à Lyon, de Bretagne jusque dans le Jura, ce qui est en marche, c'est une révolution. Tu gueules jusqu'à devenir un faune, aussi à foutre la zone. Gilet jaune, oh gilet jaune, tu veux régner le roi de son trône. Tu gueules jusqu'à devenir un faune, tu tends aussi à foutre la zone. Gilet jaune, oh gilet jaune, tu veux régner le roi de son trône.